aujourd'hui. Tant de choses à dire sur ma vie, ma famille et mes mélodies. Le temps passe, les meilleurs nous laissent. Ça laisse des traces, mais le ciel nous protège. D'hier à aujourd'hui, tant de choses à dire sur ma vie, ma famille et mes mélodies. Le temps passe, les meilleurs nous laissent. Ça laisse des traces. Car ils ont débarqué dans ma vie comme la lumière, aveuglé par la rage et le dégoût. À deux doigts de tout laisser au large, je marchais seul sur un boulevard. Un instant, un mec me dit, pars pas le nord. Je vois le monde s'écrouler autour de moi. De déclin, une vie de rêve au bout des lèvres, mais les larmes au bout du compte, je crois que je suis né pour prouver. Ma vie c'est l'épreuve, j'espère m'en sortir bon élève. Dieu me guide, faudra attendre pour que je crève. On l'a chanté, comme si c'était prémédité. La bombe explose, largué avec les débris. Les débats à moi s'imposent. Une prise de conscience. Je n'ai pas d'autre choix que prendre mon monde sur mes épaules. Là je vis dans l'ennui, marche au clair de lune la nuit. Parle avec les astres, envie de vaincre mon ronge. Je me nourris de rage mais je maigris. Je passe des mixtapes qui claquent à rien, j'ai plus de clics. Et mon ex meuf est en cloque, tellement dans le désarroi. J'en oublie qu'une femme porte ma chair, qui ne verra jamais le jour. Aujourd'hui j'en paie le prix, mon frère taffe et moi je chôme. Je ne vis que pour la mélodie. Je veux faire vibrer les villes même dans le blizzard. D'hier à aujourd'hui, tant de choses à dire sur ma vie, ma famille et mes mélodies. Le temps passe, les meilleurs nous laissent. Ça laisse des traces, mais le ciel nous protège. D'hier à aujourd'hui, tant de choses à dire sur ma vie, ma famille et mes mélodies. Le temps passe, les meilleurs nous laissent. Ça laisse des traces, carpe diem. J'écris pour l'oubli, des blagues mes vers sales. Personne n'écoute mes versets, et ça je n'oublie pas. Jusqu'à ce jour où je crois cette clique de dingue. Unis par la famille, la galère et la bringue. C'est là que pour moi commence l'histoire. Tout le passé disparaît. Réaliser mon album et aujourd'hui réapparaître. Je constate l'ampleur de ma réussite. Je suis une âme morte qui ressuscite. La Doha Senga, Jiggy, Patou, Jackie, Benji et Mastermind Kenzie. Famille Jiggy et Bongé, Ebela, Texera, Loubaï. Une chose est sûre, soyez fiers de vos fils. Que mon frère m'en soit témoin. Si je suis là, c'est grâce à eux. Qu'ils aient la protection de Dieu. On construit des rêves, chaque jour on détruit des cauchemars. Une brève nouvelle de mon cœur. Je vous aime comme mes frères et Chanis, ma nièce. Je vois la vie belle quand je me plonge dans ses yeux de velours. J'y ai à l'endroit, connaissant le revers de la pièce. Dormez en paix, je serai toujours là, votre réveil. Épilogue, je viens chanter pour les miens. La main sur le cœur, les yeux rivés vers le ciel. Et si demain je pars, que personne ne pleure. Vous me perdez pas, voyez en moi votre protecteur. D'hier à aujourd'hui, tant de choses à dire sur ma vie, ma famille et mes mélodies. Le temps passe, les meilleurs nous laissent. Ça laisse des traces, mais le ciel nous protège. D'hier à aujourd'hui, tant de choses à dire sur ma vie, ma famille et mes mélodies. Le temps passe, les meilleurs nous laissent. Ça laisse des traces, carpe diem. D'hier à aujourd'hui, tant de choses à dire sur ma vie, ma famille et mes mélodies. Le temps passe, les meilleurs nous laissent. Ça laisse des traces, mais le ciel nous protège. D'hier à aujourd'hui, tant de choses à dire sur ma vie, ma famille et mes mélodies. Le temps passe, les meilleurs nous laissent. Ça laisse des traces, carpe diem.